avec un passeport rouge, avec les cheveux jaunes, devant un Francis Bill, avec le passeport rouge, comme le drapeau du Maroc. Moi, je veux aller en France, je veux voir les filles, les belles filles. Je veux un Francis avec le passeport rouge. Sacré pays de fachos.